السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، nous sommes la nuit du 17 du mois de Jumada al-Thaniya de l'an 1440, ce qui correspond vendredi 22 février. Et le sujet de la conférence de ce soir sera quelques règles relatives à la voie et la méthodologie des gens de la Sunna. Et ceci est pris en majeure partie d'une conférence de Cheikh Ali Al-Hudhaifi Hafidhahullah Ta'ala. Et ce sujet-là, et le fait de traiter des questions relatives à la méthodologie des gens de la Sunna, a de tout temps eu la plus grande importance, mais plus particulièrement en temps de troubles, ces temps dans lesquels beaucoup perdent leur repère, sans compter ceux qui à la base sont ignorants et n'ont pas de repère. Et ces troubles derniers nous ont fait prendre conscience, à moi et d'autres, qu'il y avait une imperfection et une faiblesse dans la transmission des points relatifs à la méthodologie des pieux prédécesseurs dans ces différents sujets. Il y a donc une faiblesse dans la connaissance de la méthodologie des pieux prédécesseurs dans bon nombre de questions religieuses ou dans une partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ne pas avoir assez insisté sur ces points-là fut une erreur peut-être de ma part, ou une imperfection, ou une erreur d'appréciation. Na'am. Et bi'idhnillahi azza wa jal, dans ce cours, on va tenter de prendre certains de ces points et de les faire comprendre, de les éclaircir et de les expliciter, insha'Allahu ta'ala. Il y a aussi beaucoup d'ambiguïtés qui sont propagées et qui sont chez certains acceptées. Et la bonne opinion qu'on peut avoir de beaucoup d'entre eux, c'est que c'est dû à l'ignorance. Et comme le dit le grand savant l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, le remède à ces troubles, c'est le fait de propager la vérité. C'est le fait de propager la vérité et de réfuter le faux. Et il ne convient pas aux gens de la Sunna d'avoir moins de motivation dans la démonstration de la vérité et la réfutation du faux que les gens du faux dans la propagation de leur faux. Mais au contraire, il convient aux gens de la Sunna d'être courageux et forts dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les motivations qui m'ont poussé à mentionner ce sujet. les temps de troubles, l'ignorance de beaucoup, l'acceptation des ambiguïtés propagées, la naissance de personnes majhoula, ignorées, yani ou pas connues, qui s'auto-déclarent et proclament à la tête de sites internet ou d'autres choses, puis qui viennent, une fois avoir acquis ou bien après avoir acquis un bon nombre de suiveurs, ils égarent ces gens-là et propagent leur venin. Iyadan billah. Parmi ces ambiguïtés, le fait de dire que de traduire et de propager la parole de nos grands savants fait partie de la fitna, attise la fitna et égare la communauté. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comment est-ce qu'on peut prétendre que de transmettre la parole des héritiers des prophètes, ceci est la fitna même, et ceci est le trouble même et l'égarement même, et que ceux qui font ça recherchent à égarer la communauté et ils n'aiment pas les savants. Na'udhu billah. Cette parole-là, il n'y a aucun doute que c'est un égarement. Cette parole-là, il n'y a aucun doute que c'est un égarement. Bien au contraire, la non-acceptation des conseils de nos savants, c'est ça la fitna. L'ignorance de la démonstration faite par les savants, c'est ça qui fait tomber les gens de la fitna. Mais celui dont la parole des savants ne lui convient pas, il tente de trouver des parades. Il tente de trouver des parades afin d'obstruer le chemin de la transmission. Car le rôle de Tullab al-ilm, le rôle des étudiants en sciences, est d'établir le lien entre les savants qui sont les héritiers des prophètes, alayhimu salat wa salam, et les gens de la masse. Et les gens de la masse. Donc ça, c'est une ambiguïté qui est répandue et qui, bien évidemment, est fausse pour toute personne clairvoyante. Ceci est évident. Ils disent, par exemple, pourquoi est-ce que vous propagez les paroles de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala? Ces mêmes personnes disaient jadis, celui qui parle sur Cheikh Rabi', sache que c'est un innovateur et c'est un hizbi. Aujourd'hui, vous dites, celui qui traduit les paroles de Cheikh Rabi', il sème le trouble, il sème la fitna. Donc comme il fut dit, l'égarement réel et tout entier est le fait de blâmer ce qu'auparavant tu reconnaissais et ce à quoi auparavant tu adhérais. Donc les savants, eux, n'ont pas changé. Mais c'est celui qui blâme les savants qui a changé et qui a fait scission d'avec la vérité. Donc ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper dans votre religion. Le fait de propager la parole des savants n'est pas fitna, n'est pas trouble, n'est pas égarement. Na'am, bien au contraire, les savants sont des lanternes qu'Allah Azza wa Jal a mis sur ce bas monde pour éclairer le chemin de ceux qui recherchent la guider. Ils disent, pourquoi est-ce que vous propagez les paroles de Cheikh Rabi'? Pourquoi est-ce que vous propagez les paroles de Cheikh Ubayd? Pourquoi? Parce que ce sont des savants de la communauté. Parce que ce sont des savants de Ahli Sunnati wal Jama'a. Na'am. Qu'y a-t-il comme mal à propager la parole véritable basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, la parole des ulama? Na'am. Et ces deux mentionnés sont à titre d'exemple. Hafidhahum Allahu ta'ala. Il y a un point, le deuxième point qu'on mentionne ici, c'est que les gens de la sunna, il leur arrive de diverger. Les gens de la sunna, il leur arrive de diverger. Na'am. Et d'avoir des points de vue différents. Mais lorsqu'ils se comportent face à cette divergence, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, et selon ce qu'a ordonné le prophète alayhi salatu wa salam dans la sunna, alors ils se réunissent au final sur la vérité. Alors au final, ils se réunissent sur la vérité. Et ils ne divergent pas dans les fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ce faire, il faut respecter un principe fondamental de l'islam qui est « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » Si vous divergez dans une chose, quelle que soit cette chose, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ » Faites-la revenir à Allah. Les exégètes du Coran ont dit, c'est-à-dire au Coran. Faites-la revenir à Allah, c'est-à-dire au Coran. Et au messager, c'est-à-dire de son vivant, allez le voir et le questionner. Naam, allez le voir et le questionner. Et après sa mort, c'est-à-dire à sa sunnah. Après sa mort, c'est-à-dire à sa sunnah. Et si on se comporte ainsi lors de divergences, alors il n'y aura pas tous ces troubles qu'on voit et qu'on entend. Il n'y aura pas tout ce fanatisme qu'on subit. Naam, il n'y aura pas tous ces sobriquets lancés et prononcés. Il n'y aura pas toute cette scission et cette division au sein de groupes de personnes prétendant tous se réclamer d'une seule et même voix, la voix du prophète alayhi as-salatu wassalam. Il nous faut donc revenir au remède mentionné dans le Coran, au remède mentionné dans la Sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya nous dit « Innahu man ya'ish minkum fasayara akhtilafan kathira fa'alikum bi sunnati wa sunnati l'khulafai r-rashidin azzu alayha bin nawadith wa iyaakum wa muhdathati l'umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. » Le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de l'Irbad nous dit radiallahu anhu: celui qui parmi vous vivra verra de nombreux troubles, de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Mordez-y à pleines dents et prenez garde aux nouveautés. Car toute nouveauté est égarement. Prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation. Toute innovation est égarement. Donc il nous faut avoir cette base. Toute personne qui nous vient avec une chose qu'on ne connaît pas, on ne s'empresse pas dans son acceptation. On ne s'empresse pas dans le fait d'y adhérer, de l'accepter, d'y adhérer, de la propager, de l'enseigner, de la traduire. Non, mais on revient d'abord aux gens de science. Il nous est parvenu telle parole. Est-ce que ceci est en conformité avec l'islam? Si les savants nous montrent que oui, et nous montrent la base dans le Coran, la base dans la sunna, alors on l'accepte. S'ils nous montrent que non, on la rejette. Même si cette parole provient d'une personne qu'on affectionne et qui à la base est une personne de science, car personne n'est infaillible après la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc beaucoup de personnes qui sont tombées dans les troubles, la cause de cela est le fait de ne pas s'être comporté en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna en période de troubles. C'est-à-dire prendre du recul, consulter les aînés, revenir aux gens de science, retenir sa langue, naam, lorsque ce comportement n'est pas fait. Lorsqu'on tend l'oreille à toute personne et qu'on répète tout ce qui nous provient, forcément on tombe dans ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: kafa bil mar'i an yu'adda kadiban bi an yuhaddith bi kulli ma sami'a. Il suffit pour l'homme d'être considéré comme étant un menteur à partir du moment où il propage tout ce qu'il entend. À partir du moment où il dit tout ce qui lui parvient. En temps de trouble, il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de choses propagées. Si tu les acceptes tous et tu les propages tous, forcément tu mentiras. Et forcément tu te tromperas. Et forcément tu opprimeras certaines personnes. Il te faut donc retenir ta langue, prendre du recul. Et lorsque ces paroles te parviennent, revenir aux gens de science qui, eux, vont te dire si c'est en conformité avec la sunna ou non. Si c'est en conformité, tu l'acceptes et tu remercies Allah Azza wa Jal d'être sur la sunna. Et si c'est en contradiction, tu la rejettes, même si elle provient de ton meilleur ami. Même si elle provient de ton meilleur ami. Et combien sont parmi les jeunes ceux qui se sont égarés du fait qu'ils ont ignoré ces bases? Ils ne font pas attention de qui provient l'information. Si l'information est vérifiée, si l'information est authentique, Puis, si elle est en conformité avec le Coran et la Sunna, et si les pieux prédécesseurs ont compris cela de cette façon, en ignorant ces bases-là, la personne tombe dans les troubles. La personne tombe dans les troubles, et si Allah Azza wa Jal ne lui facilite pas la guider, Allahu A'lam, à quelle profondeur elle sera retrouvée des suites de ces chutes, de cette chute. Donc, il ne faut pas indexer les savants. Il ne faut pas blâmer les savants en prétendant que le mal se trouve auprès d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Pourquoi ils ont fait cela? Mais il faut s'interroger sur nous-mêmes. Naam, il faut chercher la faute sur nous-mêmes et ne pas penser que les paroles des savants sont la cause de ces troubles et des fitaines. Bien au contraire, le fait de ne pas avoir connaissance des paroles des savants, le fait de ne pas suivre les savants, le fait de ne pas comprendre les paroles des savants, le fait de ne pas secourir et propager la parole des savants, c'est ce qui amène le trouble dans la communauté. C'est ce qui amène le trouble dans la communauté. Le fait de revenir aux savants en période de trouble, c'est une base chez les gens de la sunna. C'est une base chez les gens de la sunna. Et combien de personnes Allah a sauvées par la mise en pratique de cette base? Ils étaient au bord d'un abîme de feu et ils sont revenus à un savant qui, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, les a guidés à la vérité. Qui, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, les a guidés à la vérité. Et cela, les exemples sont très nombreux. Naam. Le troisième point que l'on se rappelle ici, c'est que parmi la voix des gens de la sunna, tirée du Coran et de la sunna et des paroles des pieux prédécesseurs, le fait que le faux et l'erreur doit être réfuté. Elle doit être démontrée. Elle doit être exposée et réfutée. C'est-à-dire que lorsque l'erreur sort, on doit dire ceci est une erreur. Naam. Et qu'un tel s'est trompé. Puis on doit exposer quelle est la vie qui est en concordance avec le Coran et la Sunna, afin que les gens de la communauté ne prennent pas le faux et ne propagent pas le faux. Et dans ce sujet-là, on ne va pas regarder qui est celui qui a parlé. C'est-à-dire que l'erreur, elle peut être prononcée par une personne du mal qui a la base est dans l'égarement. Mais elle peut aussi être prononcée, cette erreur, par une personne qui a la base est savante, pieuse, mais elle s'est trompée du fait que elle est tout simplement min ibn Adam, parmi les enfants de Adam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun, tout fils de Adam est sujet à l'erreur, à la faute, et le meilleur de ceux qui se trompent sont ceux qui se repentent. Donc il vous faut savoir cette règle, c'est que lorsqu'il y a une faute qui se propage, nous avons l'obligation de la démontrer et de la réfuter sans prendre en considération primaire celui qui a fait cette faute. C'est-à-dire, on ne doit pas dire, vu que cette faute a été prononcée par une personne de la sunna, on va se taire sur cette faute. Et lorsque cette faute sera prononcée par une personne de l'égarement, ça n'est qu'à ce moment-là qu'on va réfuter cette faute. Car dans le cas contraire, ça sera manquer de respect aux savants. Non. Ceci n'est pas la voie du Coran. Ceci n'est pas la voie de la sunna. Ceci n'est pas la voie des compagnons. La voie de l'islam est de dire que la faute doit être réfutée, naam, de qui que ce soit. C'est-à-dire, yani la provenance, quelle que soit la provenance de cette faute. Et les exemples sont trop nombreux pour les dénombrer. Que ce soit les exemples contemporains, que ce soit les exemples anciens, naam, de toute époque, les savants se sont réfutés les uns les autres. De toute époque, les gens de science ont réfuté les autres personnes de science parmi les gens de la sunna. Mais en maintenant le respect, en maintenant la considération, si c'est une personne qui mérite ce respect, si c'est une personne qui mérite le respect. Les savants nous ont enseigné que lorsque l'erreur est commise par une personne de l'innovation, on le réfute, voilà karama. On le réfute, voilà karama. Il n'a aucun rang auprès de nous. Et on ne se soucie pas des hasanats qu'il a. Ça, c'est entre lui et Allah. Nous, on se contente d'exposer la vérité aux musulmans. Par contre, lorsque c'est une erreur commise par une personne de la sunna, et que c'est une erreur avérée par les gens de science, pas par toute personne, n'aam qu'à le débutant, peut considérer une chose comme étant une erreur alors qu'elle n'en est pas une. Donc ce sont les gens de science qui vont nous montrer que c'est bel et bien une erreur. À ce moment-là, l'erreur doit être réfutée, même si c'est un savant de la sunna, même si c'est un prêcheur de la sunna. N'aam, mais on va maintenir le rang du savant. On va maintenir la considération du savant. Et on va s'adresser à lui avec des termes adéquats. Naam, avec des termes adéquats. Et dans cela, on devra être derrière les savants. Et on devra suivre la voie des savants. Il se peut que le savant, dans un premier temps, s'adresse à la personne avec beaucoup de tact. Car au début, elle espère qu'elle revienne à la vérité. Il se peut qu'elle s'adresse à lui avec beaucoup de douceur dans un premier temps. Mais lorsqu'elle voit que cette personne joue, et que cette personne trahit, et que cette personne égare, et qu'en réalité elle ne cherche pas le conseil, il se peut que le savant juge que la sagesse soit à l'heure d'utiliser la dureté et la sévérité. Comme ça a été fait au temps du prophète alayhi salatu wassalam, avec certains il a utilisé la douceur, avec d'autres la sévérité, et tout cela reste dans la délimitation de la hikmah, de la sagesse. Tout cela reste dans la délimitation de la sagesse, la hikmah. Faire et se comporter avec chacun selon ce qui est bon, selon ce qui est juste. Donc, il nous faut savoir cela. Réfuter le faux, naam, fait partie de l'islam. Il ne suffit pas de propager le bien. Il faut aussi avertir contre le mal. Il faut aussi réfuter le mal. Il faut l'amru bil ma'ruf. Il faut aussi l'nahyu anil munkar. Il faut da'wa ila tawhid. Il faut aussi tahdhir min ash-shirk. Et ainsi de suite. Tout comme tu appelles au tawhid en détail, tu dois avertir contre le polythéisme en détail. Et tout comme tu appelles à la sunna en détail, tu dois avertir contre l'innovation en détail. Tout comme tu recommandes le convenable, tu dois avertir contre le blâmable. Donc il ne faut pas être allergique, naam, à la réfutation. Il ne faut pas être allergique et trop sensible, naam, lorsqu'une personne en montre sa faute et dire mais pourquoi il parle sur les gens comme on entend de certains ignorants, mais pourquoi il parle kaza. Non, ceci ne fait pas partie de la médisance comme c'est connu chez les étudiants et avant eux chez les savants. Donc notez cela, le fait de réfuter le faux fait partie intégrante de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. Et il n'y a qu'à lire le Coran dans surat al-Fatiha, dans surat al-Baqarah. Naam, au début du Coran on trouve cela. Et à la fin du Coran on trouve également la mise en garde contre Ash-Shaytan. Donc dans le Coran il y a cette éducation. Donc la parole des gens de science sur les gens de l'innovation fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole des gens de science et de leurs élèves et de ceux qui propagent la religion d'Allah azza wa jal sur ceux qui font des fautes, naam, parmi les gens de l'égarement, fait partie de la religion d'Allah. Et le fait de réfuter celui qui se trompe parmi les gens de la sunna fait partie également de la religion d'Allah. Et en aucun cas on a le droit de dire que ceci est de la fitna. Et en aucun cas on a le droit de dire que ceci attise la fitna. Car la religion d'Allah Azza wa Jal appelle à cela. Et la religion d'Allah Azza wa Jal n'appelle pas au trouble. Bien au contraire, elle est venue pour réformer toute situation et mada toute situation de trouble. Ceux qui ne font pas front avec les savants, en restant derrière eux, en propageant leurs paroles, en les soutenant et en les secourant, comme l'ont été les compagnons pour le prophète alayhi salatu wassalam, et comme l'ont été les plus prédécesseurs pour les compagnons, et ainsi de suite jusqu'à notre époque, naam, avant, ils se taisaient. Mais de nos jours, ils ne se contentent pas de se taire. De nos jours, ils se mettent contre les savants. Et de nos jours, ils se mettent contre les étudiants. Et de nos jours, ils se mettent contre les prêcheurs. Et ils disent, inna amadha, nous sommes nous les réformateurs. Naam. Nous sommes nous les réformateurs. Ala innahum humul mufsidun. Bien au contraire, ce sont ceux qui sèment le trouble. Ce sont ceux qui sèment le trouble. Donc il nous faut enlever cette ambiguïté qui est de dire qu'il ne faut pas parler sur les gens de l'innovation. Et il ne faut pas réfuter celui qui se trompe car ceci est trouble et médisance. Non, ceci fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit cela aura rejeté la voie du Coran. Il aura rejeté la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des pieux prédécesseurs. Et je vais vous lire ici et traduire certaines paroles des imams contemporains de notre religion. En commençant par le grand savant Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, sur lequel les gens ne divergent pas quant à son statut de guide religieux dans la communauté, quant à sa science et sa piété. Nahsibu kadhalik wallahu hasibu. Et comme Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala et beaucoup d'autres parmi les savants. Na'am, mais on se contentera de yani pour ce soir de citer leurs paroles. Sinon, parmi les imams de l'islam, parmi les contemporains comme Sheikh al-Albani, na'am, comme Ma'adha Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, comme Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i et beaucoup d'autres, na'am, tous étaient sur cette voie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une faute, il faut la réfuter. Si c'est un innovateur, il y a un comportement adopté avec lui. Si ça n'est pas un innovateur, il y a un comportement à adopter envers lui. Et si c'est une personne de la sunna qui accepte, na'am, et qui accepte la vérité, il y a un comportement à avoir. Si c'est une personne de la sunna qui est ignorante, il y a un comportement à avoir. Si elle est bornée, il y a un autre comportement à avoir. Et ainsi de suite. Et cela, on l'apprend des gens de science en revenant à eux lors de situations de crise et de troubles. Parmi les contemporains, il y a aussi Cheikh Rabi' ibn Hadi, il y a aussi Cheikh Ubayt, Cheikh Al-Jabiri, et beaucoup d'autres parmi les savants comme Cheikh Saleh, Al-Fawzan, Na'am Hafidhahum Allahu Ta'ala wa Rahimahum. Si ce n'est que certains sont plus versés dans ce domaine que d'autres, et ont choisi de se spécifier dans Madha, dans ses recherches et dans la réfutation des gens du faux. Donc ils sont tous d'accord sur cela, mais certains sont plus versés dans ce domaine et les autres ne les blâment pas. Bien au contraire, ils les appuient et ils les soutiennent. Na'am, ils ne les trahissent pas et ils ne les abandonnent pas dans leur combat contre les gens du faux, de l'innovation, bien de ceux qui contredisent des points de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça n'est pas blâmable que de prendre son temps pour dévoiler les fautes de ceux qui trahissent les musulmans. Ça n'est pas blâmable que de réfuter le faux qui s'est propagé au sein des musulmans, mais c'est plutôt louable. C'est plutôt louable dans la biographie des pieux prédécesseurs, lorsque la personne avait ce statut-là, c'était élogieux, comme Shu'bah, rahimahullahu ta'ala, comme l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, comme Yahya ibn Ma'in, et beaucoup d'autres, rahimahumullah. Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nous dit, al-wajibu ala al-ulama, wa ala al-muslimi, tawdihu al-haqiqa. Ce qui incombe aux savants, ou bien à la ulama il muslimin, aux savants des musulmans, c'est d'éclaircir la vérité. Wa munaqashatu kulli jama'atin aw jam'iyyatin, et de conseiller ou bien de débattre tout groupe, na'am, qui aura contredit la vérité. Wa nushu al jami' بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده. Et de tous leur enjoindre le fait de revenir sur la ligne qui a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. et la ligne et la voie à laquelle on nous a appelés. Wa da'a alayhi Nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie à laquelle a invité, appelé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa man tajawaza hadha. Puis le shaykh va nous montrer le comportement qu'il faut adopter envers ceux qui n'acceptent pas la vérité et qui se complaisent dans le faux et qui s'enorgueillissent devant le haqq. Il nous dit rahimahullah ta'ala, wa man tajawaza hadha أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة. Il nous dit رحمه الله تعالى, et ceux qui transgressent cela, qui transgressent la vérité, ce qu'Allah Azza wa Jal, ce vers quoi Allah nous a orienté, ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé, ou qui reste borné sur ses positions pour un gain personnel ou bien une utilité personnelle ou des buts que seul Allah connaît, à ce moment-là, l'obligation et de les dévoiler, de les faire connaître. L'obligation est d'avertir contre eux. L'obligation est de les faire connaître. L'obligation, c'est-à-dire d'informer les gens que ce sont des gens de la mauvaise voie. Et d'avertir contre eux, c'est-à-dire de mettre en garde contre eux. Et cela doit être fait par ceux qui ont connu la vérité. Cela doit être fait par ceux qui ont connu la vérité. Cette fatwa est dans le site d'Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Une deuxième fatwa du Cheikh dans le recueil de ses fatwa, dans le tome 3, il nous dit: فَإِذَا سَكَتَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءِ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ شَابَهُ بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ المغضوب عليهم والضالين. L'auteur Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: dans le cas où les gens de la sunna, les adeptes de la sunna, se tairaient devant l'exposition des fautes de ceux qui contredisent le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, ils auront ressemblé aux gens du livre qui ont encouru la colère et aux gens de l'égarement. Et aux gens de l'égarement. C'est-à-dire ceux qui ont su et n'ont pas appliqué et ceux qui se sont égarés dû à leur ignorance. Il dit également, rahimahullah ta'ala, وَمَتَ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ أَخْطَاءِ الْمُخْطِئِينَ. Dès lors que les gens de la vérité se tairont sur les fautes des fauteurs, لم يحصل ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. S'ils se taisent sur les fautes des fauteurs, alors ils n'auront pas réalisé ce qu'Allah leur a ordonné, c'est-à-dire d'inviter au bien, de recommander le convenable et de blâmer le blâmable. Dans un audio à lui rahimahullah ta'ala, il nous dit: man adhara al-munkara aw al-bid'ata yuhadhdharu minhu. Celui qui fait apparaître le blâmable et l'innovation, on avertit contre lui, on met en garde contre lui. Wa la yunzaru ila hasanati, et on ne regarde pas ce qu'il a comme bonne action. On ne dit pas par exemple: oui, mais il connaît le Coran, oui, mais il enseigne, oui, mais il nourrit des pauvres, oui, mais ces choses-là c'est entre lui et Allah. Nous, notre but c'est pas de dire qu'il n'a pas de hasanat. Notre but c'est de dire: ceci est une erreur, attention les musulmans, ne suivez pas cette erreur. Oh vous les musulmans, la vérité c'est cela, car Allah dit ça et le prophète dit ça. Donc suivez la vérité, c'est ça le but. C'est pas cette personne en soi. C'est pas pour nuire à cette personne en soi, au contraire, c'est un bien pour lui. Car ses suiveurs dans le faux vont diminuer, donc il aura moins de péchés sur son dos le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. C'est pour ça que les savants disent, nous sommes envers les gens de l'innovation meilleurs pour en réalité s'ils savaient que leurs propres parents. Par miséricorde envers eux, on avertit contre eux. Comme ça, yom al-qiyama, leurs péchés seront moindres. Car leurs suiveurs auront diminué, la vérité aura été exposée à bon nombre de personnes. Revenons à la parole d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Wa man adhhara al-munkara wa al-bid'ata yuhadhdhar min wa yanzaru ila hasanati hasanatu baynahu wa bayna rabbih. Lorsqu'on met en garde contre lui, on ne regarde pas ses hasanat. S'il a des bonnes actions ou pas, non, ses hasanat elles sont entre lui et son Seigneur. Là n'est pas le sujet, ses hasanat sont entre lui et son Seigneur. Plus loin, il dit « وَيُنصَحُ حَتَّى يَهْتَدِي ». Il répète à peu près les mêmes paroles, puis il dit « Et on lui prodigue le conseil sincère afin qu'il observe la bonne voie. » Et on l'oriente vers ce avec quoi est venue la sunna. Dans d'autres endroits, dans Rasa'il al-Mutabadila, où le Mutabadila, elle nous dit, النقد من أهل العلم وتجريح من يجب التجريح من باب النصيحة. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit, réfuter, ou bien la réfutation des gens de science, et la critique faite par eux, lorsqu'elle est obligatoire, fait partie du conseil que l'on prodigue, fait partie du conseil sincère, fait partie de l'acquittement de ses devoirs envers la communauté. An-nasiha lil-umma. Ça fait partie du fait de s'acquitter de ses devoirs envers la communauté. وَالتَّحْذِيرُ مِنْ بِدْعَتِهِ. Et avertir contre son innovation, ou inhirafi, ou contre son égarement, amrun muta'ayyan. C'est une chose obligatoire. C'est une chose qui nous incombe. Ibn Baz nous enseigne ici l'interdiction de se taire lorsque le faux apparaît. Et l'obligation de l'exposer et de le réfuter et d'avertir contre ses adeptes. Donc ceci n'est pas fitna. Ceci est l'islam. Ceci est la voie du Qur'an. Ceci est la voie de la sunna. Mais l'ignorance fait dire à ses adeptes des énormités qu'il ignore lui-même. Ou bien qu'ils ignorent eux-mêmes. A'adhana Allah wa iyyakum min ad-dalalah. Il dit également, hakadha li kulli da'in dawa. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق. Et c'est ainsi que chaque maladie a un remède. C'est ainsi que chaque maladie a un remède. Alors lorsque les gens du faux font apparaître leur faux, il est une obligation pour les gens de la vérité de faire apparaître la vérité. De faire apparaître la vérité. Et il dit plus encore, dans une autre de ses paroles, فَلَا يَجُوز, il n'est pas permis, أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْبَاطِلِ أَنْشَطَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ. Il n'est pas permis que les gens du faux soient plus motivés que les gens de la vérité. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَشْجَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فِي إِظْهَارِ بَاطِلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ. فِي إِظْهَارِ الْحَقِّ. Il nous dit, et il n'est pas permis, qu'ils soient, c'est-à-dire les gens du faux, plus courageux dans le fait de faire apparaître le faux, plus courageux que qui, dans le fait de faire apparaître le faux, que les gens de la vérité, dans le fait de faire apparaître la vérité. Subhanallah. Tu vois cela au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Tu vois que des gens de la vérité, lorsque tu leur dis, Pourquoi est-ce que vous ne blâmez pas telle chose? Ils disent par exemple, parce que j'ai peur qu'on parle sur moi. Ou parce que j'avais un péché et lui il connaît mon péché. Allahu Akbar. Hada dinullah. Ça c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. On opprime un tel, puis on opprime un tel, puis on insulte les savants. Et toi, tu ne participes pas au secours de la vérité. Wallahi, si on avait insulté son ami, tu l'aurais vu passer une nuit blanche pour tenter de le défendre et de l'innocenter. Naam. Et si on avait parlé sur sa propre personne, malgré la vérité des propos qui lui sont adressés, alors tu l'aurais vu tenter de se défendre. Tu l'aurais vu polémiquer. Tu l'aurais vu débattre. Et tu l'aurais vu rempli de fanatisme. Mais lorsque les savants de la sunna et les prêcheurs de la sunna sont opprimés, tu ne le vois pas agir. Pourquoi? Par manque de courage. Pourquoi? Par manque de virilité. Naam. Ce sont les hommes qui, dans ces circonstances-là, tu les vois apparaître. Tu les vois debout, se révolter contre l'injustice. Tu les vois aller voir et aller visiter l'injuste et lui dire de se réformer, de se corriger. Tu le vois aller visiter l'opprimé et il le soutient et il le réconforte. Naam. Seuls les forts de la communauté peuvent faire cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'Allah préfère les forts de la communauté aux faibles lorsqu'il nous dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Et dans les deux, il y a du bien. Al-Hadith. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit « Bal, mais plutôt, yajibu an yakuna ahlul haqqi aqwa wa ashja'a fi amrillah. » Mais plutôt, il convient, ou plutôt, il est obligatoire que les gens de la vérité soient plus forts et plus courageux fi amrillah, dans l'ordre d'Allah, et dans le combat contre les gens du faux. Hadha alladhi ansahu bih. Voici ce que je recommande. Jusqu'à dire, et aller plus loin, il dit, toute personne qui contredira le livre d'Allah. إن كان متعمدا أو إن كان قد تعمد الباطل si volontairement il a visé le faux وجب أن يبين شره l'obligation et أن يبين شره l'obligation sera donc de dévoiler ou de démontrer son mal parce que lui c'est une personne qui volontairement s'égare et égare les gens. Lui, il faut avertir contre son mal. Il faut mettre en garde contre lui. Et de le réfuter. Voici l'obligation. Et aussi, on l'appelle à la vérité en espérant qu'il observe la bonne voie. Quant au grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit Al-kalam fi ahli al-bid'a wa man 'indahu afkar ghayr salimatin aw manhaj ghayr mustaqim hadha min an-nasiha wa laysa min al-ghibati bal min an-nasiha لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le fait de parler sur les gens de l'innovation et ceux qui ont des idées non saines ou une méthodologie non droite, ceci fait partie du bon conseil. Et ceci ne fait pas partie, et ceci ne fait en aucun cas partie de la médisance. Ça fait plutôt partie du conseil sincère et du fait de s'acquitter de ses devoirs envers Allah, son livre, son messager sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا مُبْتَدِعًا. Donc si on voit une personne innovatrice, yanshuru bid'ata, qui propage son innovation, fa'alayna an nubayyina annahu mubtadi' hatta yaslama an-nasu min sharrih. Donc si nous voyons une personne qui est dans l'innovation, un innovateur, propager son innovation, il nous incombe de démontrer qu'il est un innovateur afin que les gens soient préservés de son mal. Plus loin, il dit وَلَا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِهِ, et pour que les gens ne se laissent pas avoir par lui. Pour que les gens ne se laissent pas avoir par lui. Naam. Et cette parole se trouve dans Tahdhir wa Tashhir bi Ahli al-Bid'ah. Une parole de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala me revient. C'est lorsque l'un de ses élèves lui a dit, ou une personne de science lui a dit, oh imam, je n'aime pas parler sur les gens. Allez, j'ai une chose dans mon cœur contre eux, les, comme on dirait au jour d'aujourd'hui, les mises en garde. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala lui a dit, pareillement pour moi. C'est pas avec plaisir qu'on s'adonne à cela. Mais si toi tu sais la vérité, mais qu'il est dans le faux, et si, et tu te tais, et que moi également je connais la vérité et que je me tais, comment est-ce que les gens vont le savoir? Allahu Akbar. Regardez la sagesse des savants. Comment est-ce que les gens vont le savoir? Si on se tait tous sur le faux, et le faux va se propager, subhanallah. Le faux va se propager, donc ceux qui disent, observez le silence. Contentez-vous d'étudier. Contentez-vous de, par exemple, lire le Qur'an. Na'am, na'am, on lit le Qur'an. Et on apprend du Qur'an, bihamdillahi azza wa jal. Et on a appris beaucoup et la plupart du Qur'an par la grâce d'Allah azza wa jal. Et certains parmi nos frères ont mémorisé le Qur'an entièrement, bihamdillahi azza wa jal. Et certains ont mémorisé des ahadith et des mutun. Mais est-ce que cela veut dire de délaisser le fait d'avertir contre les gens du mal, de délaisser le fait de dévoiler les gens de l'innovation, de délaisser le fait d'exposer les fautes lorsque la faute est propagée? Cela ne veut pas dire cela, ça, mes chers frères. Cela n'a pas été compris ainsi par les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, ni par les tabi'un, ceux qui les ont suivis, ni par les savants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien au contraire, ils accordaient un temps à chaque chose. Et ils parlaient selon la nécessité, avec science et avec sagesse. Mais les gens de la sunna n'oppriment pas. Ils n'oppriment pas, ils disent selon ce qui est avéré. Et ils vérifient avant de parler. Naam, ils vérifient avant de parler. Et ils souhaitent la guider de cette personne. Ils souhaitent la guider de cette personne. Mais cela ne les empêche pas de secourir le droit d'Allah dans sa religion. Le droit du prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunna. Le droit du livre d'Allah. Le droit des musulmans. Ceci passe avant la sensibilité de l'être réfuté. Tout cela passe avant la sensibilité de l'être réfuté. Et dans le Muntaqa rahimahullah ta'ala, lorsque la mention des 6 points qui n'entrent pas dans la médisance, lorsqu'il a commenté cela, il a dit وَالصَّحِيْحِ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَصْلَحَ. C'est-à-dire que la permission dans la religion de mentionner une personne en mal n'est pas restreinte à 6 cas seulement. Mais ça revient plutôt à l'utilité. Ça revient plutôt à l'utilité. La personne de science va évaluer le besoin et l'utilité. Il peut donc avoir plus de 6 cas. Naam. Ce sont les 6 fameux cas connus comme les mu'arrifi, yani, tu mentionnes le défaut d'une personne parce que ainsi elle va être reconnue. La personne louche. Tu dis Mohammed, donc tu dis quel Mohammed? Tu dis celui qui louche. C'est pas de la médisance. La personne boite. Tu dis Abdullah. Quel Abdullah? Il y a 5 Abdullah dans la classe. Le boiteux. Ceci n'est pas de la médisance. Or, la définition de la médisance, énoncée par le prophète, alayhi salatu wassalam, est dhikruka akhak fi ma yakra. Le fait de mentionner sur ton frère, c'est-à-dire en son absence, une parole s'il l'avait entendue, cela lui aurait déplu. Ça déplaît, le boiteux, celui qui louche, ça déplaît. Mais dans ce cas-là, ça n'est pas de la médisance. Pourquoi ? C'est pour le reconnaître. C'est pour le reconnaître. L'autre cas, c'est celui qui a été opprimé. Il se plaint au savant, il se plaint au juge, ou l'enfant se plaint au père ou à l'enseignant, et il dit « un tel est un injuste ». Un tel a proféré telle et telle parole, un tel a un mauvais comportement, pour avoir le jugement religieux, ou pour être secouru avec la vérité, et ainsi de suite. Et il y a, yani, encore d'autres cas. Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a plus que six cas en réalité. Et qu'il ne convient pas de limiter cela à six cas. Il dit donc, فَتُذْكَرُوا بِالْحَدِّ أي بتعريف جامع مانع لا بالعد أي ست. Il dit donc qu'il convient que cela soit fait selon une définition. N'aam, tout ce qui entre dans cette définition, lors de la nécessité, on dira que c'est permis. Et non pas avec un chiffre restreint, c'est-à-dire 6. Donc, il y a plus que ces 6 cas. Ça revient à l'appréciation de la personne de science, selon la nécessité. Donc, voyez-vous, ça n'est pas de la médisance. Ça n'est pas de la médisance. Quant à leurs agissements, ces grands savants de l'islam, quelles étaient leurs positions lorsqu'ils voyaient ceux qui avaient un niveau moindre, ceux qui faisaient partie de leurs élèves, na'am, qui sont aujourd'hui les grands savants de l'islam, lorsqu'ils les voyaient réfuter les gens du faux, comme Sayyid Qutb, na'am, comme Al-Qardawi et autres, lorsqu'ils les voyaient les réfuter, quelle était leur position? Est-ce qu'il leur disait, taisez-vous, c'est de la médisance? Occupez-vous d'étudier et n'ouvrez pas ce sujet, c'est une fitna. Et lorsque eux-mêmes prenaient les paroles de leurs savants et qu'ils les propageaient, et lorsque les élèves traduisaient ceux qui avaient l'anglais, ceux qui avaient, est-ce que les savants disaient, taisez-vous et ne propagez pas ça, c'est de la fitna? Non. Non. Ils les appuyaient. Et lorsqu'on les questionnait, un tel parlait, il fait ça, na'am, ils disaient, ça fait partie d'une nasiha. Ça fait partie de nasiha. Na'am. Lorsque Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, a réfuté Mohamed Surour ou un autre, les gens sont partis se plaindre à Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et ils lui ont dit, il a parlé sur un shir et kada et kada. Il a dit oui. Son audio m'est parvenu, et sa rad jayyid. Na'am. Son audio m'est parvenu, sa réfutation. Et c'est une bonne réfutation. Na'am, radda ali akhuna Cheikh Mohamed Aman al-Jabi. Si mes souvenirs sont bons, ceci, yani, il a commencé sa réponse ainsi. Oui, en effet, l'a réfuté notre frère Mohamed Aman al-Jabi. Et c'est une bonne réfutation. Et lorsqu'ils sont partis voir le grand savant, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et le grand savant Cheikh Mohamed Nasser ibn al-Albani, ils lui ont dit que Cheikh Rabi' parlait sur des gens. Ils ont répondu oui, et ils parlent avec les preuves. Et ils parlent avec les preuves, et ça fait partie de nasiha, de réfuter le faux. Mais, si ils parlent de par le faux et sans preuve, et qu'ils oppriment, à ce moment-là, apportez-moi ça. Dans quel livre on trouve cela? Non, Cheikh Rabi' parle avec les preuves. Voici la réponse des savants. Naam, voici la réponse des savants. Naam. L'ahbar. Taïe. L'ahbar. Akhid, smahli. Smahli. Observe le silence jusqu'à la fin. Et ensuite, si tu veux parler à la fin, tu viens. Shafakallah. Observe le silence, akhid. Barakallah fik. Akhid. Akhid, tu n'es pas le Mahdi. Tu es malade. Shafakallah. Observe le silence. Barakallah fik. Donc, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, appuyait les réfutations des élèves de l'époque et des gens de science. Na'am. Les grands savants appuyaient les réfutations des gens de science. Et à cette époque, les gens de l'égarement tentaient de soutirer une fatwa des ulama pour taper ces gens de science. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ces savants ont été préservés par Allah dans leur intelligence et ils ne se laissaient pas tromper. Naam, ils ne se laissaient pas tromper. Naam. Et on ne va pas utiliser pour preuve, pour décharger les fautes de certains, le fait qu'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, avant d'avoir en détail la situation de Jama'at al-Tabligh, lorsqu'on lui a dit qu'ils appellent au bien et qu'ils propagent l'islam, il a dit que c'est un bien. Puis lorsqu'on lui a exposé les fautes qu'ils avaient dans la méthodologie et qu'ils n'étudiaient pas pour la plupart d'entre eux et qu'ils n'observaient pas la voie des prophètes dans la méthodologie du prêche, il a dit que c'est un mal, il a averti contre eux. On ne va pas dire, utiliser ça et dire, regardez même Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, s'est fait tromper et ceci et cela. C'est pas comme ça qu'on parle de nos savants, rahmatullahi alayhi. Hakadha barakallahu fikum. Non. Les ulama, la plupart du temps, Allah Azza wa Jal les assiste. Et il les guide afin qu'ils guident la communauté. Et ils sont, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, wal ulama, warathatul anbiya. Les prophètes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et incha'Allah ta'ala, prochainement on lira des paroles de l'imam al-Ajurri sur les savants. Et pour se rendre compte de la grande valeur des ulama, et incha'Allah ta'ala, il y aura une conférence sur le droit et la valeur des savants en islam. Donc ils appuyaient leurs élèves et ils appuyaient les autres savants, même s'ils n'avaient pas le temps eux aussi d'écrire autant et de réfuter autant, au minimum ils appuyaient. Naam. Et remarquez, yani, dernièrement, un cheikh d'Égypte, qu'Allah nous accorde et lui accorde la droiture, a critiqué le grand savant Rabi ibn Hadi, hafidhahullah ta'ala. Et il a manqué de respect à ce grand cheikh, qui pourtant est celui qui l'a orienté vers la vérité, la sunna, alors qu'auparavant il ne voyait pas clair. Il l'a critiqué, il l'a dénigré, il s'est montré sévère et irrespectueux. Le jour même et le lendemain, une dizaine de réfutations de gens de science sont sorties en même temps. Ça a donc affaibli immédiatement le trouble et les gens se sont aperçus que le chemin de la sunna, c'est de défendre les savants. Par contre, si une personne parle et que les autres le trahissent, que va-t-il se passer dans la communauté? Il y aura le trouble. Et les gens ne vont plus savoir où est la vérité. Non, il convient d'être derrière le savant, de secourir les savants, de propager leurs paroles. Ça, c'est ce qui met fin au trouble. Et non pas propager les paroles de savants et le trouble, comme essaye de le faire comprendre des personnes du faux ou bien de l'ignorance. Et il est triste de voir que certaines personnes ayant les micros, et ayant les places, que ce soit sur le minbar, ou que ce soit les conférenciers ou les prêcheurs, il est triste de voir que cette partie de la religion est peu enseignée. Et ce blâme, je me l'adresse à moi-même, avant les autres. Ce thème, ce chapitre est peu enseigné. Il nous faut donc l'exposer parce que ça fait partie du dîn. Et en effet, certains points, je pensais qu'ils étaient clairs pour beaucoup. Mais en temps de trouble, on s'aperçoit qu'en réalité, non, il faut expliquer, il faut détailler, il faut exposer afin qu'Allah Azza wa Jal sauve la plupart d'entre nous bi-idhnihi subhanahu wa ta'ala. Certains sont ignorants de cette vérité, donc ils ne l'enseignent même pas. Ils enseignent ce qu'ils connaissent. Wa laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Et aura bien agi celui qui s'arrête à ce qu'il a connu. Mais il ne doit pas trahir ce qui propage la vérité après l'avoir connu. Naam, lorsque tu ne sais pas, observe le silence. Mais ne trahis pas ce que eux, ceux qui ont su et ont alors propagé la vérité. Ne dis pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais va les voir et pose la question. Et ils vont te transmettre. Reviens aux savants et dis, ils ont fait. Ils vont t'expliquer. Mais toi, tu es ignorant. Alors tu combats cette vérité qui se propage parce que tu l'ignores. Non. À l'image de la personne qui voit celui qui commence le wudu par la bouche et le nez. Et il vient, il dit, c'est un ignorant, il n'a pas lavé ses mains. C'est un ignorant, il n'a pas lavé ses mains. Le fait de laver ses mains lorsque tu commences le wudu, c'est recommandé, sauf dans le cas où tu te réveilles. Et certains ont dit, tu te réveilles du sommeil de la nuit. Dans ce cas-là, c'est obligatoire, parce qu'il y a le hadith. Il était ignorant, il a combattu la vérité. Parce qu'il était ignorant, il a combattu la vérité. Il a entendu un tel, il a mauvais comportement. Il parle sur les savants. Ah bon? Apporte-moi sa parole afin qu'on aille le conseiller, car c'est notre frère. Regardez ici, il dit que le shir s'est trompé. Puis il dit, Allah a dit, le prophète a dit, comme shir un tel a dit. Allahu Akbar. Ça, c'est parler sur les savants. Dire shir un tel s'est trompé parce que Allah dit, parce que le prophète dit, comme a dit le savant un tel. Ceci n'est pas parler sur les savants. Ceci n'est pas parler sur les savants. Bien au contraire, lorsque la faute se propage, de se taire, voici la faute et voici la chose qui n'est pas permise. Donc il faut enseigner ce point-là aux gens, il faut propager ce point-là. Parmi les causes de tomber dans les troubles et de l'égarement, le fait d'ignorer les causes des fitna. Asbabu, yani al-jahlu fi, al-jahlu bi asbab al-fitna, sababun lil-wuqu'i fiha. Ignorer les causes qui font tomber dans la fitna est une cause de tomber dans la fitna. Et depuis de nombreuses années, nous voyons des savants qui n'ont pas bougé telles des montagnes ancrées. Et on voit, à l'inverse, des gens de passage. Ils viennent, ils s'égarent. D'autres arrivent, viennent et s'égarent. Quelle est la cause de cela après l'assistance portée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien accordée par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le fait de ne pas connaître les règles des pieux prédécesseurs dans le domaine. Et le fait de ne pas rester derrière les savants, mais de se voir une opinion au-dessus de la leur. De se voir un avis meilleur que le leur. Allahu Akbar. Si on a un avis meilleur que les héritiers des prophètes, quel est donc le rôle des savants? Pourquoi alors revenir aux savants? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a montré dans de nombreux versets la place des savants si on ne revient pas à eux par la suite, mais on revient à notre propre avis et aux gens de notre âge et de notre rang et nos camarades? Non. Il n'appartient pas aux étudiants de s'asseoir entre eux et ensuite ils vont dire Chirantel est comme ceci, Chirantel est comme... Non, ce sont les savants qui parlent, les élèves qui propagent et les étudiants qui propagent. Et les étudiants ne doivent pas précéder, devancer les savants. Donc il faut connaître les causes de l'égarement afin de ne pas tomber dans ces troubles. Et Hudhayfah ibn al-Yaman disait: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. Les gens questionnaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet du bien, les hasanat, ce qui fait entrer au paradis, et moi je le questionnais sur le mal, de peur que cela ne me touche. Donc questionner sur le mal et s'enquérir, yani chercher à comprendre pour pas tomber dedans, c'est ça une base dans le Coran et la Sunna. Donc il faut apprendre le bien pour le mettre en pratique. Et aussi apprendre le mal pour s'en préserver. Car celui qui ignore le mal risque d'y tomber. A'adhanallahu wa iyyakum min dhalik. Parmi les causes de la fitna et d'y tomber, le fait de ne pas revenir aux savants connus pour leur science, leur droiture et leur affermissement en période de trouble. Parmi les causes, le fait de se voir une opinion au-dessus de la leur. Parmi les causes, al-ujb, la vanité, le fait de s'étonner de son propre avis. Parmi les causes, le fait de se baser sur le nombre pour savoir si la vérité dans tel endroit ou dans tel avis. Non, le nombre n'est pas gage de vérité chez les gens de la sunna, mais c'est plutôt ce qui est en concordance avec le Coran et la sunna et la voie, yani selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Parmi les causes, il y a al-kibr, l'orgueil, le fait de mépriser ses frères et le fait de ne pas accepter la vérité. Parmi les pires des causes, les plus dévastatrices, il y a ce qu'on appelle al-ta'assub. Al-ta'assub, le fanatisme. Naam, le fanatisme. Ceci est une maladie qui détruit les cœurs et qui divise la communauté. Iyadan billah. Parmi les causes de l'égarement, le fait de ne pas être satisfait de la voie de la sunna, celle qui est, des gens de la sunna qui est en concordance avec le Coran, la sunna, et les agissements des pieux prédécesseurs. La personne a une sensibilité démesurée et une allergie à certains points qui pourtant font partie de l'islam, comme le fait de réfuter les gens du faux et réfuter les gens de l'innovation. C'est une cause pour tomber dans la fitna. C'est une cause pour tomber dans les troubles, car il délaisse ainsi une partie de la religion. Et il s'associe ainsi avec ceux qui ont du laxisme dans leur religion. Non, il faut être dans le juste milieu. Lorsque la réfutation est basée sur science, équité, à ce moment-là, on l'accepte. Et dans le cas contraire, on ne l'accepte pas. Avec plus de détails, mais dans cette situation, je ne peux mentionner que cela. Et parmi les points étonnants desquels nous avons pu témoigner, c'est qu'un groupe de personnes se réclamant pourtant de la sunna disent « Ne parlez pas sur eux, ne parlez pas sur eux. » Et tu les trouves eux, et lorsque tu parles sur les gens de la bid'a, ils disent « Il ne faut pas parler. » Lorsque tu corriges la faute, ils disent « Il ne faut pas parler. » Et tu trouves eux, tu les trouves eux les premiers à parler sur les gens de la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est interdit de parler sur toute personne sauf les gens de la sunna. A'udhu billah min al-khuzlan. Na'am, ces gens-là trahissent la religion. Ils trahissent la communauté. Ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers le livre d'Allah, envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envers le commun des musulmans. Mais il est de ton droit de demander la preuve à celui qui a parlé. Il est de ton droit de lui demander pourquoi est-ce que tu as dit cela. Et lui, il te dit, car il a dit cela, car ceci est une faute, car les savants ont dit, wahakad. Oui, tu peux demander la preuve. Quant au fait de dire il ne faut pas parler de manière absolue, ceci est une erreur évidente et contredit la base ou la voix des gens de la sunna. Le fait de délaisser les règles enseignées par les savants et le fait de devancer les savants est une cause de l'égarement. Et remarquez, dans le récit de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'une femme lui est venue et lui a dit, comment se fait-il que les femmes, nous, lorsque nous sommes indisposés, nous avons nos menstrues, nous rattrapons le jeûne de Ramadan, mais on ne rattrape pas la prière. Aïcha radiallahu anha lui a dit, Aharuriyatu anti. Est-ce que tu fais partie de la secte des Khawarij? Elle lui a dit, la, walakinni as'al. Elle lui a dit, non, je ne fais que poser la question. Un cheikh a soulevé une chose très subtile ici. Il nous dit, cette femme était ignorante d'une chose simple dans le fiqh. Mais elle n'a pas dit, c'est quelle harouriya? Allahu Akbar. Elle n'a pas dit, c'est quelle harouriya? Parce que c'était connu chez Sahaba, la mise en garde contre les sectes. Donc elle savait ce qu'était le harouriya. Elle savait ce qu'était le khawarij. Mais elle ignora un point du fiqh. Et si on se tait, on n'expose pas le mal aux gens de la communauté. Ils vont ignorer qui sont les gens de l'innovation. Et ils vont les suivre et penser du bien d'eux. Et ils vont tomber dans la fitna, iyadan billah. Parmi les règles des gens de la sunna, c'est qu'ils ne prennent pas de celui qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne vont pas dans les sites de ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne prennent pas à leur tête, ils ne reviennent pas dans les questions religieuses à celui qu'ils ne connaissent pas. Mais ils reviennent à ceux qui sont connus. On finira une prochaine fois, incha'Allah wa sallallahumma wa barak. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يحيي يا قيوم رحمتك أستغيث أو نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Lors de la khutba, dans la traduction d'un hadith sur la khutba sur l'enfer, le hadith qui mentionne que l'enfer, le feu de l'enfer a été attisé bien plus que celui de ce bas monde. J'avais traduit par 79 au lieu de 69. Donc je corrige cette faute.